Nyangi. Bonsoir auditrices, auditeurs de la radio Essanganiro et bienvenue à l'écoute de cette édition de ce 5 novembre. En voici les grands titres. Certains agents impliqués dans des cas de fraude sont d'une certaine manière mandatés par leurs supérieurs et les responsabilités ne sont pas une opportunité de s'enrichir. Vous entendrez dans cette édition un expert en politiques économiques. Dans cette édition, on revient également sur le lancement ce samedi de la 17e édition du Flambeau de la paix en province Muyinga. En province Gitega, particulièrement commune Guiheta, on vous parlera des inquiétudes d'une centaine de ménages de cette commune sur une imminente construction d'un parc pétrolier. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Ouimana. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Page gouvernance pour débuter cette édition. La fraude se pratique dans des pays où elle semble institutionnalisée. Les gens embellissent dans ce cas les actes de corruption. Une analyse d'un expert en politiques économiques qui estime que certains agents impliqués dans des cas de fraude le font parce qu'ils sont d'une certaine manière mandatés par leur supérieur. Serge Niramebura appelle les Burundais à couper court avec la mentalité de considérer les responsabilités comme une opportunité de s'enrichir. On l'écoute au micro d'Alain Désiré Boukénez. Il y a opportunité lorsque les politiques et les procédures dans une institution quelconque sont défaillantes et qu'il est finalement possible de commettre la fraude et ne jamais être attrapé. Le deuxième élément du pyramide, c'est la pression. La pression, c'est comme si les gens finalement sentent un poids ou une charge pour commettre la fraude. Parce que, par exemple, les gens qui ont occupé les mêmes fonctions avant ont pu avoir un capital. Lorsque vous succédez à ces gens dans des postes qu'on dit juteux chez nous, il y a cette pression pour faire comme les autres et pour commettre la fraude. Le troisième élément, c'est la rationalisation. C'est cette justification, en fait, et c'est ainsi que on va trouver des mots qui embellissent le mal. On dit que c'est déplacé, ce n'est pas volé, ce n'est pas la fraude. Par exemple, c'est déplacé. On va même demander au président de la République, est-ce que je peux avoir un poste là-bas, là où c'est juteux, c'est-à-dire là où la fraude est commise. Et c'est comme ça qu'on communique. Ce que nous avons de particulier chez nous, c'est que la fraude est institutionnalisée. C'est-à-dire, la fraude n'est pas faite par une seule personne isolée qui garde des secrets pour elle-même. C'est-à-dire que ces gens-là vont acheminer l'argent finalement à leur supérieur hiérarchique. Sinon, ils ne vont pas retourner au poste. La deuxième particularité, c'est que nous n'avons pas cette culture de dénoncer le mal. C'est-à-dire, à un certain moment, si vous vous mettez à dénoncer tous ces gens-là qui commettent la fraude, c'est-à-dire que c'est vous-même qui vous mettez en danger. Par exemple aussi, la loi qui demandait aux fonctionnaires qui acceptent d'occuper les postes de gestion de la chose publique à ce que ces fonctionnaires divulguent d'avance leurs biens pour finalement faire la part séparer leurs biens et les biens publics, ça a échoué. Pas parce que c'est une mauvaise chose, mais parce que cette loi-là générait, en fait, les gens qui commettent la fraude. Sinon, si vous acceptez un poste, qu'est-ce qu'il y a de mal de divulguer vos biens pour les séparer des biens publics? Serge Niramebura, expert en politiques économiques. Les Burundais sont appelés à s'engager aux travaux de développement chacun dans son domaine pour bâtir un Burundi émergent. En 2040, c'est l'appel du président de la République ce samedi lors du lancement officiel de la 17e édition du Flambeau de la paix en province Muyinga. Évariste Ndayishimiye explique néanmoins que le développement du pays n'est possible que s'il y a des dirigeants visionnaires. Suivez-le plutôt dans cette traduction française de Placide Niyomungere. La paix est le socle du développement et vice-versa et sont complémentaires. Pour atteindre le niveau du développement, il faut suivre les étapes. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de bâtir la fondation pour l'an 2040. Ici, il faut comprendre certaines choses. Pour se développer, il faut d'abord s'affirmer. Adoptons cette fois-ci la nouvelle stratégie de comprendre que tout est possible. Que ce flambeau de la paix illumine le cœur de chacun d'entre nous pour lui signifier que tout est possible. Et pour ce faire, nous devons être unis en faisant une synergie pour mieux comprendre sans distinction aucune que tout est possible. Et pour y parvenir, il nous faut au préalable de bons leaders qui ont de bonnes visions pour les Burundais. Aujourd'hui, si nous évoquons la vision 2040-2060, des critiques fusent de partout. Certains disent qu'il s'agit d'une utopie et d'autres parlent de vision pour ceux qui auront une longue vie. Initie d'abord ton projet et tu verras la suite. Le Burundi sera le produit de nos visions. Et ne pense pas que les étrangers se contentent de nous de plus qu'ils savent. Il faut que les Burundais soient clairvoyants pour éviter de toujours tendre la main alors que Dieu nous a tout donné. Engageons-nous dans une lutte contre la pauvreté. Que chacun exploite ses talents en lançant son activité et l'exposer aux autres pour servir de modèle. Parlons nutrition à 18h07 dans les studios de la radio Isanganiro. Le suivi régulier d'un projet selon des techniques préétablies est l'une des pistes à mettre en œuvre pour que le projet Mandalama, récemment lancé par la FAO et le ministère burundais de l'agriculture, ne tombe en annulation. L'assurance du secrétaire exécutif permanent de la plateforme nationale de nutrition et de l'alimentation vendredi lors du lancement de ce projet visant les transformations des systèmes alimentaires, l'Union fait la force et le feront, ils feront une gestion axée sur les causes renchéries. Docteur Célestin Sibomana, que je vous prie de suivre. Nous avons beaucoup d'espoir que cette initiative va apporter des changements perceptibles parce que, comme le nom l'indique, l'initiative est appelée MEDA, c'est-à-dire travailler ensemble. Les acteurs gouvernementaux, les différents acteurs, les différents secteurs, les différents acteurs non gouvernementaux, les partenaires au développement, les agents du système des Nations Unies vont travailler main dans la main. Et évidemment, comme vous le savez, l'Union fait la force. La plus-value de cette initiative, c'est que l'initiative appelle aux synergies positives pour répondre adéquatement aux problèmes de nutrition qui sont multifactoriels, multidimensionnels. Évidemment, tel que vous l'avez vu dans la feuille de route, il y a des principes directeur de management, qui devront nous guider pour que nous puissions obtenir la réponse. Il faut renforcer les niveaux de planification. Vous planifiez mal, comme vous le savez, vous exécutez mal. Nous allons renforcer les systèmes de planification et on fera des planifications conjointes pour profiter des interrelations entre les différents ministères, entre les différents partenaires. Nous allons aussi utiliser les principes actuels de gestion axés sur les résultats, avec la capitalisation des connaissances, des résultats, pour pouvoir améliorer le processus. Nous allons viser l'intégration effective des systèmes pour que les synergies entre acteurs puissent apporter réellement la réponse. Vous le savez, autrefois on pensait que les problèmes de nutrition sont des problèmes de santé. Mais on sait qu'aujourd'hui, un individu, un enfant, arrive à un millier de soins pour des questions de nutrition parce que beaucoup de systèmes ont été défaillants. Notamment les systèmes de protection sociale, les systèmes d'agriculture, les systèmes d'approvisionnement en eau potable et hygiène assainissement. Nous ferons des actions axées sur les causes pour régler les problèmes avant que les individus ne tombent malades, en visant la prévention à travers des systèmes d'agriculture, de protection sociale, d'approvisionnement en eau potable, une éducation nutritionnelle structurée afin que les individus minimiser en fait les cas à travers des approches de protection, de prévention. Docteur Célestin Sibomana, secrétaire exécutif et permanent de la plateforme nationale de nutrition. Et les habitants de la colline Masasu, sous colline Kamhanga, commune Gihita de la province Gitega, où est prévue la construction d'un parc pétrolier d'ici peu, demandent aux autorités administratives communales et provinciales d'expliquer à ce projet et des indemnisations qui leur seront versées. L'administrateur de la commune Gihita promet de leur rendre visite en compagnie des chargés de ce projet. Plus de détails avec Gérard Nibigira. Ces habitants de la colline Massassou, sous colline Kamanga, où est prévue la construction d'un parc pétrolier, disent qu'ils ont des inquiétudes liées au fait que ce parc pétrolier sera construit sur leur terre, mais qu'aucune autorité n'est venue jusqu'ici leur parler de ce projet, leur dire si c'est un projet du gouvernement ou d'une entreprise privée, ou encore les informer sur les indemnités qui leur seront octroyées. Ils s'étonnent de voir que c'est le seul chef de leur colline qui est venu leur parler de ce projet et qui est allé loin jusqu'à recenser leurs terres. Ces habitants de la colline Massassou, dont les terrains ont été choisis pour qu'il y soit construit le parc pétrolier, se comptent à environ 100 ménages. Certains parmi eux ont refusé aux chefs de colline de recenser leurs terrains, même si d'autres ont accepté. Ceux qui ont refusé expliquent que le chef de colline n'a pas ses compétences. Ils ajoutent qu'ils sont pour le développement de leur commune, notamment par la construction de ce parc pétrolier, mais demandent que les autorités administratives, comme l'administrateur de la commune Guyeta et le gouverneur de la province Guitega, viennent leur expliquer de ce projet. Ils demandent aux chargés de ce projet de venir les contacter afin de leur montrer d'autres terres où ils vont habiter après être expulsés, ou alors de discuter des indemnités qui leur seront données. De son côté, le chef de colline Massassou, Frédéric Ndouarugira, dit qu'il a été mandaté par l'administrateur de la commune Guyeta dans ce travail de recensement des propriétaires des terrains choisis pour la construction de ce parc pétrolier. Quant à l'administrateur de la commune Guyeta, Nina Hazamicheline, promet de rendre visite à ses populations en compagnie déchargée de ce projet de construction de ce parc pétrolier. Elle précise que c'est un projet du gouvernement financé par un pays arabe. Ce parc pétrolier de Massassou sera le deuxième construit à Guitega après celui de Tankoma construit dans les années 80. Depuis Guitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. La résolution pacifique des conflits, l'évitement des discours de haine et la consolidation de la paix en Afrique, tels sont certains des points ayant retenu l'attention des lauréats qui ont participé dans la formation dispensée par l'Université de paix en Afrique qui s'est déroulée cette année au Burundi. Lors de la clôture de cette formation ce samedi, Abeyemé Irakoze, vice-recteur du Centre Jeune Kamenge, qui a contribué à l'organisation de cette formation, a appelé les bénéficiaires de la dite formation à partager leurs expériences. Le point avec Jean-Marie Vianney Gendakouman. Lors de la clôture de la formation dispensée par l'Université Paix en Afrique à l'aise de Véloréan chaque année, y compris ceux du Burundi, le Camerounais, le Véra Docteur Jean-Blaise Kenimounio, recteur de cet établissement universitaire, a indiqué qu'il s'agit d'une formation qui vise la compréhension par les jeunes des techniques d'analyse de résolution pacifique des conflits ainsi que la communication non violente. Nous regroupons une vingtaine de responsables et de jeunes qui viennent des structures qui ont un mandat de promotion de la paix, de règlement des conflits. Nous renforçons leurs capacités avec une formation académique de niveau universitaire, mais très pratique sur, par exemple, l'analyse des conflits, la médiation, sur la communication non violente, sur la biographie. Leur biographie, parce que chacun doit se connaître avant de voir comment être bâtisseur de paix. Abbé Aimé Irakoze, vice-recteur du Centre Jeune Kamenge, qui a contribué à l'organisation de cette formation, fait savoir que le Burundi a gagné beaucoup de choses en plus des devises en habilitant ce genre d'événement. Le Burundi a bien gagné beaucoup de choses. Par exemple, on a accueilli vraiment des visiteurs qui viennent de l'Allemagne, qui viennent de la Belgique, qui viennent de la Centrafrique, qui viennent de Togo, Burkina Faso, Congo, Rwanda. D'abord, ces visiteurs, quand ils viennent au Burundi, ça ne nous laisse pas comme ça. Là, le pays gagne quelque chose. La deuxième chose, comme l'université s'est tenue au Burundi, spécialement à Gitega, au grand séminaire Saint-Jean-Paul II, là, ça a facilité la plupart des Burundais à suivre cette formation. Ce consacré espère également que les bénéficiaires vont contribuer dans le processus de la consolidation de la paix, du fait qu'ils sont issus des différentes organisations. Les jeunes formés vraiment vont beaucoup contribuer parce que ceux qui sont venus suivre cette formation ici au Burundi, la plupart ce sont les jeunes qui sont responsables de différentes organisations et institutions. Donc comme ils sont responsables des organisations et institutions, vous comprenez qu'ils vont vraiment amener une richesse et un bagage sur tout près de ceux qui sont dans leurs organisations et institutions. Et cela, ça va vraiment faciliter la propagation de ces informations. Toutefois, Abbé Aimé Irakoze appelle ces jeunes à vulgariser les les acquis de cette formation dans leurs communautés respectives. L'université Paix en Afrique dispense ses formations relatives à la consolidation de la paix depuis 20 ans dans les différents pays africains. Le Burundi avait déjà habilité de telles formations des fois respectives en 2023 et en 2006. Voilà, à 18h15 dans les studios de la radio Isanganiro. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la soirée de ce 5 novembre. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Très belle soirée à tous et à tous. Au revoir.